بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Comme vous le savez, aux chers frères et sœurs, on va aujourd'hui aborder le sujet de la mise en garde contre l'innovation et ses adeptes. Mais avant toute chose, je tiens à remercier notre frère Youssouf ainsi que toute l'équipe du Merkez Al-Ghuraba, mais aussi les étudiants et les mécheïrs qui participent à ce genre de rassemblement. Car certes, oh chers frères, vous pouvez remarquer l'importance des sujets choisis. L'importance des sujets choisis. Et concernant mon sujet, le sujet qui m'a été attribué, alors certes, notre frère Omar Abou Saouda a déjà parlé avec vous de l'obligation du suivi de la sunna. L'obligation du suivi de la sunna. Et en fait, aujourd'hui, nous allons tout simplement voir ce qui suit après cela. Après que tu aies compris l'obligation du suivi de la sunna, il faut que tu comprennes donc le danger de son contraire, l'innovation. Alors, qu'est-ce que l'innovation ? En réalité, ce sujet, au cher frère, c'est un sujet que normalement, j'ai essayé de le résumer pour vous parce que je ne peux pas dépasser une heure, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de résumer et de faire simple. Bi'idhnillahi ta'ala. Alors, qu'est-ce que l'innovation ? Certes, les savants, ils nous ont cité plusieurs définitions de l'innovation. Et certes, parmi les définitions, ou même avant d'aborder ce sujet, avant d'aborder le sujet de la définition de l'innovation dans la législation, on va déjà voir la définition de l'innovation dans la langue arabe. Ça sera plus simple. Alors, l'innovation dans la langue arabe, c'est tout simplement le fait de commencer quelque chose qui n'a pas d'égal, qui n'était pas présent. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit en se décrivant lui-même, Badi'u samawati wal ard, le créateur des cieux et de la terre. Mais ici, il a utilisé le terme Badi'a, qui vient donc du mot donc Bada'a. Le terme, la lettre B, Del et Aïn. D'où vient aussi le mot bid'a, l'innovation. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, badi'u samawati wal ard, comme dans sourate Al-An'am le verset 101, c'est celui qui a créé les cieux et la terre à partir de rien. Celui qui a créé les cieux et la terre sans donc que cette création n'ait d'égal. Sans que cette création n'existe auparavant. Et Allah tabaraka wa ta'ala ordonne son prophète aussi dans sourate Al-Ahqaf, le verset 9. Il lui dit Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Dis, je ne suis pas le premier des messagers. Ici le terme bid'an. Ibn Sa'di rahimahullah dans son tafsir, il dit la signification, c'est-à-dire ay lestu awwala man ya'tikum min al-anbiya, c'est-à-dire je ne suis pas le premier des prophètes qui vient à vous, min ar-rusul. Et donc le terme ici dans la langue arabe, le terme bada'a appelle au fait de faire, de commencer quelque chose qui n'était pas avant. Et l'innovation dans la législation, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs définitions des savants. Mais il y a une définition que je trouve vraiment très simple pour mes frères et sœurs, facile à mémoriser aussi, elle est très courte, et en même temps, elle englobe tous les sens de l'innovation. Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, il nous dit l'innovation, c'est « At-taqarrubu ila Allahi bima lam yashra'hu ». C'est très simple. « At-taqarrubu ila Allah bima lam yashra'hu ». Le fait d'adorer Allah avec ce qu'il n'a pas légiféré. Le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec ce qu'il n'a pas légiféré. Et d'ailleurs, on a aussi Cheikh Ouli Salam Ibn Taymiyyah rahimahullah, lorsqu'il nous parle de l'innovation, comme dans Majmou' al-Fatawa, il nous dit « Al-bid'atu fi d-din hiya ma lam yashra'hu Allah wa rasuluh » وَهُوَ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ أَمْرَ إِيجَابٍ وَلَا اسْتِحْبَابٍ. Et donc il nous dit, Ibn Taymiyyah rahimahullah, l'innovation dans la religion, c'est ce que Allah et son messager n'ont pas légiféré. Et c'est ce qu'il n'a pas ordonné, que ce soit de façon obligatoire, ou recommander. Et donc voilà l'innovation. C'est ce que Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas ordonné que, ça, que ce soit de façon obligatoire ou recommandée. Dans un autre passage, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit donc si ce que tu fais, si ce que tu fais n'est basé sur aucun ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, un ordre qui montre une obligation ou qui montre un caractère recommandé, alors ce que tu fais, c'est une innovation. Et c'est pour cela que nous disons, donc, si l'individu adore Allah, tabaraka wa ta'ala, avec un acte ou une parole ou une croyance qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, n'a pas ordonné de façon obligatoire ou recommander, alors cet individu tombe dans l'innovation. Cet individu tombe dans l'innovation. En réalité, au cher frère, quand on médite concrètement sur cette définition de l'innovation, on réalise qu'elle est vraiment importante. At-taqarrubu ila Allah bima lam yashra'hu. Le fait d'adorer Allah avec ce qu'il n'a pas légiféré. Cette définition, elle est très très importante. Voilà pourquoi je vous incite, ô chers frères, à la mémoriser. Lorsque vous allez donc conseiller vos proches ou les personnes qui prient avec vous à la mosquée, n'oubliez pas de les citer, de leur citer ces paroles des savants, afin qu'ils comprennent. Car cette définition de l'innovation, elle est très importante car elle te permet de bien comprendre le sujet. Qu'est-ce qu'une innovation? Beaucoup de personnes tombent dans l'innovation car à la base, ils ne savent pas ce que c'est qu'une innovation. Et deuxièmement, cette définition, elle est très très bien, très importante, car elle nous permet de réaliser la gravité de l'innovation. Le fait d'adorer Allah avec ce qu'il n'a pas légiféré. En effet, le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec ce qu'il n'a pas légiféré, c'est tout simplement, ô chers frères, introduire dans sa législation ce qui n'en fait pas partie. Le fait d'introduire dans la législation d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ce qui n'en fait pas partie. Et cela, c'est grave. C'est vraiment grave. Allah, tabaraka wa ta'ala, blâme ceux des communautés précédentes. Et blâme tous ceux qui font cela. Il dit, tabaraka wa ta'ala, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ. Est-ce qu'ils ont des associés qui leur ont légiféré dans la religion ce qu'Allah n'a pas permis? Ce qu'Allah n'a pas prescrit. Surat Ash-Shura, le verset 21. Et ici, vous constatez que Allah tabaraka wa ta'ala, il dit « Emlahum shuraka » Ont-ils des associés? Les savants du tafsir, ils nous disent ici ce qui est voulu par des associés, c'est-à-dire « Shayatin » les diables. Certains même disent les diables parmi les hommes qui appellent à l'innovation. Pourquoi ont-ils été appelés associés alors? Parce qu'ils sont à ce moment-là tous associés dans le péché. Ils les ont suivis dans ce péché. Le fait d'avoir introduit dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ce qui n'en fait pas partie. Et en réalité, oh chers frères, comme vous pouvez le constater, les innovateurs, ils ne font que suivre les traces de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fermement blâmé parmi les communautés précédentes. Nous allons citer par exemple les chrétiens. Allah tabaraka wa ta'ala dit concernant les chrétiens, et tout d'abord concernant Isa alayhi salam, wa ataynahu al-injil. Et nous lui avons accordé l'Injil, l'Évangile. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala a donné l'Évangile à Isa alayhi salam. Et ensuite Allah tabaraka wa ta'ala dit concernant ceux qui ont suivi Isa, il dit وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. Et nous avons placé dans les cœurs de ceux qui l'ont suivi, c'est-à-dire ceux qui ont suivi Isa, nous avons placé dans leurs cœurs une douceur et une miséricorde. Et il y a un monachisme, c'est-à-dire donc, comme vous voyez, le fait qu'ils délaissent les plaisirs mondains, le mariage, le fait de se mélanger aux gens, etc. Le fait de rester cloîtré dans un lieu d'adoration et de ne pas y sortir, dans les montagnes, à l'écart, etc. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala a placé dans leur cœur une douceur et une miséricorde. Et ensuite il nous dit... Et il y a un monachisme qu'ils ont innové, que nous ne leur avons pas prescrit. Ils l'ont innové. Allah tabaraka wa ta'ala ne leur a pas prescrit cela. Et certes, ils ont fait cela en recherchant l'agrément d'Allah. Dans une des explications de ce verset, donc, ils ont fait cela en recherchant l'agrément d'Allah. Subhanallah. Et en réalité, oh chers frères, c'est ça l'innovation. L'innovateur, lorsqu'il fait son innovation, lorsqu'il l'accomplit, il recherche l'agrément d'Allah. Et voilà le danger de l'innovation. Voilà le grand danger de l'innovation. Et c'est que son adepte, en fait, il pense obtenir la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Prenons, par exemple, Al-Khawarij. Avec les meurtres qu'ils font, les Khawarij, à notre époque, Daesh, avec tout le mal qu'ils font, tous les meurtres, le sang qu'ils font couler, ces gens-là, le grand danger, c'est qu'ils pensent obtenir la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala en accomplissant cela. Prenez l'exemple de celui qui a tué Ali. Méditez sur sa situation à cet homme. Cet homme, il y a eu certains textes qui stipulent qu'il était donc qu'il avait certaines connaissances lié au Coran, à tel point que Omar, radiallahu anhu, a demandé qu'il soit rapproché de la mosquée afin qu'il puisse faire profiter aux autres de ses connaissances du Coran. Et cet homme, il a tué Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, l'époux de la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un des califes bien guidés dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre, de nous accrocher à leur sunnah. Cet homme l'a tué. Et en le tuant, il dit: Khoud, tiens, inil hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Laysa laka wa li ashabik. Il ne t'appartient pas ni à tes compagnons. Ensuite, lorsque les musulmans l'ont attrapé pour appliquer sur lui la sentence, ils lui ont demandé s'il avait une dernière requête. Cet homme a dit: je voudrais que le dernier membre de mon corps qui soit coupé soit ma langue, afin que je persiste à faire le rappel d'Allah jusqu'au dernier instant. Et donc ces gens-là, ils pensent être récompensés pour les turpitudes qu'ils font. Nous avons les exagérateurs parmi les soufis. Lorsque ceux-ci vont exagérer quant à leur cheikh, à tel point que l'homme va laisser son enseignant, son cheikh, passer des moments s'isoler avec sa propre épouse afin que Allah place la bénédiction dans ce mariage. Et voilà pourquoi certains savants, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit, comme dans Majmou' al-Fatawa, il nous dit: wa li hadha qala ta'ifatun min as-salaf wa minhum ath-Thawri rahimahullah al-bid'ah ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit comme dans Majmou' al-Fatawa, il nous dit: et c'est pour cela que certains parmi les salafs, parmi les pieux prédécesseurs, et parmi eux, Al-Thawri, rahimahullah, ils nous disent que l'innovation est plus aimée d'Iblis, est plus aimée pour Iblis que le péché. Iblis, il aime plus l'innovation que le péché. لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ يُتَابُ مِنْهَا وَالْبِدْعَةَ لَا يُتَابُ مِنْهَا. Car le péché, on se repent de celui-ci. Les gens, la personne qui fait un péché, elle sait qu'elle fait un péché. Elle ne va pas boire de l'alcool en espérant la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Elle sait qu'elle fait un péché. Par contre, celui qui accomplit un acte d'adoration, il nous dit, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, on ne se repent pas de l'innovation. C'est-à-dire que celui qui fait l'innovation, il ne va pas chercher à se repentir de son acte. Parce que pour lui, c'est bien. Pourquoi veux-tu qu'il se repente d'un acte qui est bien, selon lui, bien sûr? Et c'est pour ça qu'il nous dit, donc Ibn Taymiyyah, rahimahullah, « Wa hadha ma'na ma ruwiya an ta'ifatin annahum qalu, inna allaha hajara at-tawbata an kulli sahibi bid'a. » Et voilà pourquoi elle a été rapportée donc de beaucoup de certains salafs, de certains savants, qu'ils ont dit que certes Allah tabaraka wa ta'ala a mis un voile donc sur celui qui accomplit donc l'adepte des innovations. Dans certaines autres narrations, il est cité: Allah a mis un voile entre l'innovateur et le repentir jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation. Cela ne veut pas dire que si celui-ci se repent, son innovation n'est pas acceptée. Non, ce n'est pas ce qui est voulu ici. Car Allah tabaraka wa ta'ala pardonne tous les péchés, même le shirk, si le polythéiste se repent de son shirk. Si le polythéiste se repent de son polythéisme, Allah tabaraka wa ta'ala pardonne. Mais ici, ce qui est voulu, c'est que cette personne, en accomplissant cet acte, elle ne va pas, elle ne cherche pas à se repentir parce que cette personne ne sait pas que ce qu'elle a fait est mal. Elle pense au contraire que c'est un moyen d'accéder au paradis. Et voilà le grand danger de l'innovation. Et certaines innovations, chers frères, sont parfois des péchés graves, très graves. Comme les exemples que je vous ai cités tout à l'heure. Et en réalité, les innovateurs, les adeptes de ce genre d'innovation, eh bien, ils sont semblables aux personnes de la période anti-islamique, al-Jahiliya. Ceux qui faisaient les tawaf autour de la Kaaba nue. Parce que selon eux, on ne pouvait pas faire le tawaf autour de la Kaaba avec un vêtement dans lequel on a accompli des péchés. Et donc, lorsqu'ils arrivaient à la Mecque, il fallait qu'ils trouvent un vêtement de la Mecque. Un vêtement dans lequel on n'a pas fait de péché. Mais s'ils ne trouvaient pas de vêtement comme tel, alors les hommes et les femmes faisaient le tawaf nus. Et voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant de cet acte immonde, il dit وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et lorsqu'ils accomplissent des turpitudes, c'est-à-dire des péchés immondes et vraiment blâmables, ils disent, certes, nous avons trouvé nos parents qui faisaient cela, nos ancêtres, du suivi aveugle. Et certes, Allah nous a ordonné de le faire. C'est-à-dire, cela vient de la législation d'Allah. Comme l'innovateur qui accomplit un acte en nous disant que cela vient de la législation d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, répond en disant, il ordonne à son messager de dire, et lui dit, dis, certes, Allah n'ordonne pas les turpitudes. Inna Allah la ya'muru bil fahsha. Dites-vous d'Allah ce que vous ne savez pas. Dites-vous d'Allah ce que vous ne savez pas. Et donc on voit ici au chef car déjà le grand danger des innovations. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a énormément de méfaits dans l'innovation. Et parmi les méfaits que nous pouvons trouver dans l'innovation, il y a le fait que la personne qui accomplit ses actes d'innovation et qui adore Allah tabaraka wa ta'ala ainsi, son acte d'adoration n'est pas accepté. Il se fatigue pour rien. Il se fait du mal. Comme il a été rapporté dans le Bukhari et Muslim, selon Aïcha, radiallahu anha, qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Celui qui innove dans notre ordre, dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, alors cela, c'est-à-dire cette innovation, est rejetée. L'imam Muslim rahimahullah, il nous cite une autre narration. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Celui qui accomplit un acte qui ne respecte pas notre ordre, notre législation, alors son acte est rejeté. On comprend ici, aux chers frères, que l'innovation est très dangereuse. Mais aussi, l'innovation mène au feu. L'innovation mène à la division et au feu, comme dans le hadith très connu, que certains qui ont des maladies dans leur cœur cherchent à critiquer, le hadith de la division de la communauté musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que la communauté juive s'est divisé en 71 groupes. la communauté chrétienne en 72 groupes, la communauté musulmane en 73 groupes, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, tous dans le feu, sauf un. Tous les groupes sont dans le feu, sauf un. Qu'il est même hier, ya Rasulallah, il fut dit, mais qui? Quel est ce groupe sauvé, ô messager d'Allah? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont la même pratique que moi ainsi que mes compagnons. C'est-à-dire ceux qui pratiquent ce qu'Allah Ta'ala a légiféré ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, tous les autres groupes, toutes les autres pratiques sont des pratiques qui mènent au feu. Et ce sont des pratiques qui divisent la communauté musulmane. Et parmi les méfaits de l'innovation, nous avons aussi le fait que l'innovation prive ses adeptes du fait de bénéficier du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah. Ils en seront écartés, comme cela est clairement cité dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voyant que ces gens sont écartés, il dira « Ashabi, ashabi, mes compagnons » dans certaines narrations, « Ummati, ummati, ma communauté, ma communauté. » Alors il sera dit « Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. » Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vraiment, chers frères, si après cela, on n'a pas peur de tomber dans l'innovation, alors, vraiment, il faut qu'on demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala, de purifier nos cœurs. Car le sujet est grave et lourd. Parmi les méfaits de l'innovation, chers frères, comme je viens de vous citer, ou comme je vous ai cité précédemment, il y a la division. Mais il y a aussi le fait de semer le désordre et de faire couler le sang. Voilà pourquoi Dalimi, il rapporte dans son Sunan, selon Abi Qilaba, rahimahullah, qui nous dit « Mabtada'a rajulun bid'atan illa stahalla as-sayf. » Il n'y a pas un homme qui innove une innovation sans qu'il rende licite l'épée, sans qu'il rende licite l'arme. Voilà pourquoi beaucoup de nos savants, et parmi eux, l'imam ibn Baz, rahimahullah ta'ala, ils nous disent, al-bid'ah fi awwaliha kalima. L'innovation, au début, est une parole. C'est-à-dire, c'est juste une parole au début. Wa fi akhiriha manhajun wa i'tiqadun yuqatalu 'alayha. Mais à la fin, cette innovation, c'est une voie, c'est une croyance pour laquelle on se bat. C'est une voie, c'est une croyance pour laquelle on se bat. Regardez le sang qui coule dans les pays musulmans à cause des innovations. Regardez la division à cause des innovations. Comment ne pas se méfier des innovations après tout cela? Et donc après tout cela, oh chers frères, on comprend pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant les sermons, il mettait en garde contre l'innovation. Mais subhanallah, méditons. L'imam Rabi'a, hafizahullah ta'ala, dans son explication de Sharia al-Ajuri, Il nous dit que il n'y avait pas d'innovateur parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait pas d'innovateur parmi eux. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait en garde contre les innovations durant les sermons du vendredi. Il mettait en garde contre les innovations. Il nous dit, cher Rabbi, fi kulliha aw julliha. Dans tous ces sermons où la majorité, la plupart du temps, il mettait en garde durant ses sermons contre l'innovation, alors qu'il n'y avait pas d'innovation parmi ses compagnons. Pourquoi ? Pour mettre sa communauté en garde contre ce grand danger. Ce grand danger qui causera un grand mal à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi l'imam Muslim, il nous cite dans son sahih, selon Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le vendredi, lors du sermon, il disait, il faisait les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala, puis il disait, amma ba'd, ceci dit, فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. La meilleure des paroles est la parole d'Allah, est le livre d'Allah. وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et la meilleure des guidées est la guidée de Muhammad صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. Et les pires des choses sont leurs inventions. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Et toute innovation est un égarement. Il y a énormément, chers frères, il y a énormément de profit dans ce hadith. Comme je vous l'ai cité premièrement, le fait que ce sujet est tellement important que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le répétait lors de ses sermons du vendredi. Et aujourd'hui, les gens ils vont nous critiquer. Ils vont nous dire, ah mais vous mettez tout le temps en garde, innovation, etc. Subhanallah, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas d'innovateur. Il mettait en garde contre les innovations chaque semaine, ou presque. Et donc, il faut vraiment qu'on fasse attention au danger de l'innovation. On comprend aussi de ce hadith, dans ce hadith, aux chers frères, que la meilleure des paroles est la parole d'Allah. La meilleure des guidées est la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met en opposition à cette meilleure des guidées et à cette meilleure des paroles, il met quoi en opposition à cela ? L'innovation. Et il nous dit que c'est la pire des choses. Et donc il nous cite la meilleure des choses et derrière la pire des choses. C'est comme s'il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, comment peux-tu délaisser la meilleure des paroles, la meilleure des guidées, pour la pire des choses? Comment peux-tu faire ça? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a décrit l'innovation comme étant la pire des choses. Cela nous montre le danger de l'innovation. Il y a des innovations dans lesquelles il y a du polythéisme, des innovations des innovations qui poussent les gens à accomplir du polythéisme. Il y a des innovations qui vont pousser leurs adeptes à accomplir de la mécréance, à délaisser, à rejeter la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les innovations qui appellent au polythéisme, nous avons les innovations des soufis qui vont adorer les morts, les musolées et autres. Ces innovations qui vont faire les gens sortir de l'islam. Nous avons des innovations. Il y a des innovations qui appelle les gens à rejeter la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme les égarements des sectes qui rejettent les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme les égarements des coranites al-Qur'aniyoun qui rejettent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les égarements des rawafid et autres, beaucoup d'innovations donc qui vont pousser les gens à rejeter ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il n'y a nul doute, oh chers frères, que les innovations sont les pires des choses. Mais il y a aussi dans ce hadith, oh chers frères, le fait que toutes les innovations sont un égarement. Il n'y a pas de bonnes innovations. Nous avons déjà vu, et vous avez déjà vu dans les cours, il n'y a pas de bonnes innovations. Ne soyez pas leurrés par ceux qui vont s'appuyer sur les paroles de certains, même parfois de certains savants qui se sont trompés en disant qu'il peut y avoir de bonnes innovations. Mais il t'a été demandé de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de délaisser tout ce qui contredit sa voix. Alors ne t'accroche pas à la parole de quiconque contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il nous dit que toute innovation est un égarement. Comment pouvons-nous dire après cela qu'il y a de bonnes innovations? Et donc, comme je vous ai dit précédemment, mon cher frère, c'est qu'il y a des innovations qui font sortir, qui font que leurs adeptes vont faire du polythéisme. Et Allah, comme vous le savez, Allah ne pardonne pas le polythéisme. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde quelconque associé. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et il pardonne en dessous de cela pour qui il veut. Et comme je vous ai cité, il y a des innovations qui appellent les gens à rejeter les textes, à rejeter la parole d'Allah, à rejeter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en réalité, oh chers frères, le minimum qu'on puisse dire concernant les innovations, concernant l'innovation, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'innovation est un mensonge sur Allah et sur son messager. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'innovation est un mensonge sur Allah et sur son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'a dit Allah tabaraka wa ta'ala concernant ceux qui mentent sur lui, concernant ceux qui vont introduire dans sa législation ce qui n'en fait pas partie? Il nous dit tabaraka wa ta'ala dans sourate al-An'am, le verset numéro 131, ou du moins le verset numéro 138, excusez-moi. Il nous dit tabaraka wa ta'ala, sayajzihim bima kanu yaftarun. Il va les rétribuer à cause de ce qu'ils inventaient, c'est-à-dire ce qu'ils inventaient sur Allah. Tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans sourate al-A'raf, le verset numéro 37. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِ. Qui est plus injuste que celui qui va inventer un mensonge sur Allah ou qui va rejeter ses versets? Qui est plus injuste que cela? Et donc on comprend, mon cher frère, le grand danger qu'il y a dans les innovations et que nous devons nous méfier de ces pratiques Mais on a aussi, parmi les hadiths, ce hadith que j'ai déjà cité. Le hadith de la division de la communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre clairement dans ce hadith que la division est causée par l'innovation. Et cela est grave et lourd. Et nous avons le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, mettez en garde contre l'innovation. Et certes, il y a énormément de textes qui montrent le danger de l'innovation. Dans beaucoup de textes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre l'innovation. Mais est-ce que cela s'arrête là? Non. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux que nous devons suivre. Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de suivre son prophète et de suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-sabiqoun al-awwaloun, les prédécesseurs, les premiers, min al-muhajirin wal-ansar, parmi les muhajiroun ainsi que les ansar, wal-ladhina taba'uhum bi-ihsan, et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. Radiallahu anhum wa radu anhu. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Eux sont satisfaits de ce que Allah leur a accordé. Allah tabaraka wa ta'ala est satisfait de cela. De qui? Des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi que ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. Il était obligatoire de suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc ne tombe pas dans le piège dans lequel sont tombés les chrétiens qui ont innové en recherchant la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais toi, suis les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour obtenir la satisfaction d'Allah. Et comment étaient les compagnons concernant l'innovation? Ils ont mis en garde contre l'innovation. Ils ont mis en garde contre l'innovation. Voilà pourquoi le Marwazi, il nous cite dans son livre As-Sunnah, qu'Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, il a dit Kullu bid'atin dolala wa in ra'aha an-nasu hasana. Toutes les innovations sont un égarement. Même si les gens les voient bien, même si les gens pensent du bien de celles-ci, toutes les innovations sont un égarement. Et on parle bien sûr des innovations dans la religion. Est-ce que cela s'arrête là? Non. Nous avons aussi les imams de la communauté. Oh, chers frères, il y a une unanimité. Une unanimité des savants musulmans contre la mise en garde des innovations. Voilà pourquoi Al-Shatibi, il nous cite dans son livre Al-Irtisam, que l'imam Malik, rahimahullah, il a dit من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة زعم أن محمدا خان الرسالة. Celui qui innove dans l'islam, ne serait-ce qu'une innovation, alors une innovation dont il pense qu'elle est bien, celui-ci aura prétendu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aura trahi le message qu'il devait transmettre. Car Allah tabaraka wa ta'ala nous dit El yawm akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Il continue l'imam Malik rahimahullah en disant Fama lam yakun yawm idin dinan, fala yakunu al-yawm dinan. Ce qui, à l'époque, ne faisait pas partie de la religion, ne fait pas partie de la religion aujourd'hui. Mise en garde de l'imam Malik rahimahullah face à l'innovation. L'imam Ahmed rahimahullah, dans son livre Usul al-Sunnah, très connu, il nous dit l'imam Ahmed, Usul al-Sunnati indana, au tout début du livre, les fondements de la Sunnah pour nous, chez nous, Les fondements de la sunna, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, il commence à énumérer les fondements de la sunna. Qu'est-ce qu'il nous dit? At-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de s'accrocher à la pratique des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wal-iqtida'u bihim. Et le fait de les suivre, comme on a vu précédemment. Wa tarkul bid'a. Et le fait de délaisser les innovations. Wa kullu bid'atin fahiya dalala. Et toute innovation est un égarement. Toute innovation est un égarement. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il aborde aussi le sujet de la mise en garde contre les adeptes de l'innovation. Pour finir, et c'est pour cela que je vous ai dit au Cheikh Afkar, j'essaie de vous résumer cela, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais c'est un sujet qui est très long. C'est un sujet qui est très très très très long. Et bi'idnillah, on espère que par la suite, on pourra encore aborder donc ce sujet ou d'autres, ou alors d'autres sujets qui sont proches de celui-ci, inshallah ta'ala. Il faut savoir donc, ô chers frères, que les savants de la communauté musulmane sont unanimes quant à la mise en garde aussi des adeptes de l'innovation, des innovateurs. La mise en garde des innovateurs. Et c'est pour cela que Ibn Omar, radiallahu anhuma, lorsqu'il fut interrogé concernant Al-Qadariya, concernant ceux qui ont rejeté le destin, il dit, comme dans Sahih Muslim, فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي عَبْدَ اللَّهِ ابْنُ عُمَرْ بَرِيءٌ مِنْهُمْ. Alors informe-les que moi, Abdullah ibn Omar, je me désavoue d'eux. Wa annahum bura'a'u minni, et qu'ils n'ont rien à voir avec moi. Subhanallah. Subhanallah. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui nous dit: La tujalis ahl al-ahwa, fa inna mujalasatahum. Mumridatun il kolb. Ne t'assieds pas avec les gens de la passion. Il n'y a nul doute que les innovateurs sont des gens de la passion. Ne t'assieds pas avec, ne fréquente pas les gens de la passion. Car certes, leur fréquentation est une cause de maladie pour le cœur. Leur fréquentation est une cause de maladie pour le cœur. L'imam Ahmed, rahimahullah, il a été rapporté de lui qu'il nous dit, comme dans Tabaqat al-Hanabila, il dit l'imam Ahmed rahimahullah, إِذَا سَلَّمَ الرَّجُلُ عَلَى الْمُبْتَدِعَ فَهُوَ يُحِبُّهُ. Subhanallah. Si l'homme passe le salam à l'innovateur, alors il l'aime. Alors il l'aime. On a aussi Shu'ba qui nous dit: Kana Sufyan al-Thawri yubridu ahl al-ahwa wa yanha an mujalasatihim ashadd an-nahy. Il nous dit donc que Sufyan al-Thawri, il détestait les gens, les adeptes de la passion, et il interdisait de les fréquenter de la façon la plus ferme. Il interdisait de la façon la plus ferme de les fréquenter. C'est pour cela que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit, comme dans Majmou' al-Fatawa, il nous dit: رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين للبدع الداعين إليها والمظهرين للكبائر. Il dit, Ibn Taymiyyah rahimahullah, les musulmans, et donc ça fait partie des termes qui nous montrent l'unanimité. Il nous dit, Noutemi Atarahimahullah, les musulmans, ils voient que celui qui montre l'innovation, qui montre les signes de l'égarement, tel que le fait de mettre en avant l'innovation, celui qui fait ça doit être boycotté. Celui qui appelle à cette innovation, celui qui montre et met en évidence les grands péchés, ceux-là doivent être boycottés, il nous dit, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et il nous cite ici, Ra'al Muslimoun, les musulmans voient cela. Et donc, il n'y a nul doute, aux chers frères, que l'innovation est très grave et que nous devons nous en méfier. Et le sujet est très long, difficile à aborder en une séance. J'espère que ce qui a été cité sera suffisant pour toute personne qui recherche la vérité, qui craint son Seigneur et qui craint de tomber dans tout ce qui pourra lui être, tout ce qui pourra lui faire du tort au jour de la résurrection. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. On demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous accorder à tous une science profitable, de nous permettre de nous accrocher sur la sunna, de nous éloigner de tout ce qui pourrait nous faire du tort, parmi le polythéisme, les innovations, le suivi de la passion, les péchés et autres. Allah Tabaraka wa Ta'ala est capable de toutes choses. Et nous remercions encore une fois nos frères du Merkez Al-Ghuraba. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته